Chapitre 18 Lendemain de cuite. À 9 heures du matin, J.B. Chopin et le grand Charles furent réveillés et ranimés, selon l'usage immémorial du guet de la maréchaussée, à grands coups de gueule et de bottes. « Debout, chez monsieur le commissaire !»« Le quart d'œil est déjà levé ?» interrogea J.B. ahuri. « Ben, il en a une santé, ce gonce-là. » Le grand Charles, lui, groumait ferme, en proie à l'idée fixe d'envoyer un coup de tête dans le ventre d'un flic. Oh, les flics, ce qu'ils les avaient quelque part, et même ailleurs. Ils leur auraient bouloté les tripes à tous, quitte en crever empoisonné comme un rat d'égout. Il se laissa encadrer, pourtant, derrière le père, non sans ressauter et rouspéter. Malheur de malheur. Il était roué, moulu et brisé. Son corps n'était plus que bosse et plaie. Sa face était bleuie, ses lèvres saignaient, son nez était en compote, et ses pauvres quinquets s'éteignaient sous des pochons formidables. Rien n'y faisait, il en redemandait encore, le petit gars. J.B. pérorait dans la rue, entre les gardiens de la paix, redevenu impassible et méfiant, devant les gens. « Et vous vous croyez en République, citoyen ? » clamait-il. « Liberté ! Égalité, fraternité, des mots, des blagues. On se fout de vous, nom de Dieu, c'est Chopin qui vous le dit. » Et le grand Charles, de rugir en sourdine, malheur. Au commissariat, tout fut réglé en 3 minutes, interrogatoire, déposition et rapport. Le magistrat ordonna alors « Au dépôt !» Le panier à salade attendait ses hôtes, et l'on y enfourna les écrémés du nouvel an. « Monte avec ton père dans la berline de l'émigré !» fit J.B. à son fils d'un ton solennel. « T'es un martyr de la cause, et il y en a qui sont au Panthéon !» Marceau, Hoche et Kléber. Le reste se perdit dans l'entoilage et les cris. La lourde voiture des prisons s'ébranla vers la Sainte-Chapelle. Il y avait un joli public de première ce matin-là. Gonciers, tapettes et punaises variées, toute la lyre. Et c'était un abominable charivari d'enfer. On s'appelait et on se nommait. « Je suis Tintin de la Courtille, dit la crotte. Ma gueule du trône, gros veau. Petit père de la Villette. La Louise, dit le petit frisé. L'asticot de Bercy. Général des carrières, la guiche. Bambouli de Ménil. La terreur des Halles. Zinzin de la glacière. La sardine des écoles. La puce, saucisson des Batignolles, tord la gueule, mon figne de l'extérieur. » Et les dames, sorties de favier de répondre, « C'est Flora, la môme aux grands yeux qui vous dit bonjour et courage. C'est le pauvre Tété, c'est Berthe, c'est la noiraude de Belleville. Et moi, » fit une voix flûtée de gamine en perdition, « je suis Nini Petite Fesse. » Ça lui embouchait toujours un coin au père J.B., ses dégueulés de Poufias à la manque et de Marloupio à la redresse. « Sale trèbe, sale monde » ronchonnait-il, lui, turbineur. Pour achever de dégoûter le brave ouvrier, une immonde fripouille lui soufflait entre deux planches disjointes de la cloison. « Ouais, mon voisin l'aristo, veux-tu que je te bénisse ? Alors fais-moi passer du perlot, du tabac. » C'est la marmite de la rue de la Joie, rue de la Gaieté qui te demande ça. J, triple J, c'est le Mac des Macs, le lutteur à main plate, le célèbre peintre à la fourchette. Pendant que sa femme montre ses mollets, lui fabrique les morlingues, porte-monnaie. Courage et mort aux indicateurs et aux révélateurs, du sang, à la potence, les juges d'instruction, les greffiers, les cipots, à la chaudière, les vaches, les tentes et les bourriques, mort aux gaffes et aux youyou, gardiens de prison et de bagne, on les pendra par les pieds et ou pour eux, les vaches.